En Corée, à l'instar de la section héroïne Koryong-chan depuis 5 avril de la mine de Kumkol du complexe minier de Komdo, qui a accompli avant terme le plan annuel de l'économie nationale, les travailleurs innovent dans la production. Une vingtaine d'unités d'activité a dépassé le plan annuel de la valeur de production industrielle, alors qu'une cinquantaine le plan semestriel du genre.